بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين، ما بعد. فبيانبني أبو شيخ وديتور شيخ وديتريس دو راديو ميلاد الأنبياء. Et nous sommes la 22e assise autour de l'étude des fondements et des particularités des gens de la Sunna et de ceux qui sont unanimes sur la Sunna, qui sont extraits de certains livres de Cheikh Rabi', Hafidhahullah Ta'ala wa Matta'a bih. Et nous sommes toujours dans ce fondement, dans ce grand fondement qui fait la particularité des salafis par rapport aux gens de la déviance et de l'égarement et ceux qui suivent leur passion. Et ce fondement, c'est le fait, l'interdiction de se rebeller contre les gouverneurs musulmans à cause de leur perversité, ou de leur injustice, ou de leur désobéissance. Le consensus sur cette interdiction a été rapporté par un certain nombre de sciences. Le consensus sur le fait de ne pas se rebeller, de ne pas prendre les armes, de ne pas se rebeller contre les gouverneurs musulmans qui ont commis des erreurs ou qui sont dans la perversité ou autre, parce qu'il y a beaucoup de hadiths qui l'interdisent. Beaucoup de hadiths ordonnent à la communauté le fait de patienter face à l'injustice des gouverneurs injustes, parce que le fait de se révéler contre eux entraîne la communauté dans des troubles et dans des séditions, dans un grand mal. Et ce fondement, qui est le fait de ne pas se rebeller contre les gouverneurs musulmans et de ne pas les mettre au placard, parce que de par leur injustice et leur perversité, est une particularité des gens de la Sunna et de ceux qui sont unanimes sur la Sunna. Et le consensus est là-dessus. وَمِمَّنْ نَقَلَ إِجْمَعَ لِلسُنَّةِ عَلَى تَحْرِيمِ الْخُرُوجِ عَلَى الْأَئِمَّةِ وَعَزْلِهِمْ بِمُجَرَّضِ مَا يَحْصُلُ مِنْهُمْ مِنْ جَوْرٍ وَظُلْمٍ النَّوَوِي رَحِمَهُ اللَّهُ في شرحه على صحيح مسلم قال رحمه الله وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين وقد تظاهرت الأحاديث على ما ذكرته وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق النووي رحمة الله عليه dans son interprétation de صحيح مسلم rapporte le consensus sur le fait qu'il est interdit de se rebeller ou de vouloir mettre au placard le gouverneur injuste ou celui qui est dans la perversité ou autre. Il dit, rahmatullah alayhi, quant au fait de se rebeller contre eux et de les combattre, il est interdit par le consensus du musulman, même si les gouverneurs sont pervers, sont injustes. Les hadiths sont nombreux à nous l'interdire, et les gens de la sunna sont unanimes là-dessus. Ils sont unanimes sur le fait qu'on ne le met pas au placard à cause de son injustice et de sa perversité et qu'on ne prend pas les armes contre lui. وقال ابن بطال رحمه الله وفي الحديث حجة على ترك الخروج على السلطان ولو جار وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح انتهى كلامه رحمه الله تعالى من فتح الباري ابن بطال رحمه الله il dit dans les hadiths il y a une preuve claire qui interdit le fait de se rebeller contre le gouverneur même s'il est injuste. Et le consensus des hommes de science est sur ce point. Il est sur le fait d'obéir au gouverneur musulman même s'il a pris le pouvoir par la force et qu'il s'est imposé et qu'il a le pouvoir dans les mains. Et que le fait de lui obéir est mieux que le fait de se rebeller contre lui. Parce qu'il y a dans le fait de lui obéir, dans l'obéissance à Allah, le fait de protéger les vies humaines, de protéger les innocents, et le fait aussi de calmer les insensés et les foutours de troubles. Et leur preuve en tout ça, ce sont les hadiths du prophète, tout ce qui a été rapporté du messager, Ils n'ont fait l'exception que d'un gouverneur qui est tombé dans une mécréance claire. Mais là encore, qui voit la mécréance claire, ce sont les hommes de science. Et c'est à eux de décréter s'il faut le mettre au placard ou pas. Mais ils ont des conditions pour tout cela, hein, que ça doit se faire sans faire subir à la communauté de préjudice. Et que la communauté soit capable de le mettre au placard. Sinon, on reste sur son obéissance. On lui obéit dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. وقال أبو عثمان الصابوني رحمه الله في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا ويرون الدعاء لهم بالتوفيق والصلاح ولا يرون الخروج عليهم وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف. Et Abu Uthman Sabouni, dans son livre « Les croyances des salafs et des gens du hadith », il dit « Les gens du hadith voient qu'il faut prier le Jumu'a et ainsi que les fêtes d'Al-Eid et les autres prières derrière tout imam musulman pervers, c'est-à-dire derrière tout gouverneur ou derrière son représentant, derrière tout gouverneur musulman ou son représentant, qu'il soit pervers ou pieux. Et ils voient qu'il faut leur faire des du'a, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les réforme dans le bien. Ils ne voient pas le fait de se rebeller contre eux, même s'ils voient qu'ils sont injustes, hein, qu'ils commettent des injustices. Wa qala al-shaykh Abd al-Latif ibn Abd al-Rahman ibn Hassan al-shaykh rahimahullah wa ahlu al-ilmi muttafiqoon ala ta'ati man taghallaba alayhim fil ma'ruf يرون نفوذ أحكامه وصحة إمامته لا يختلف في ذلك اثنان ويرون المنع من الخروج عليهم بالسيف وتفريق الأمة وإن كانت الأئمة فسقة ما لم يروا كفرا بواحا ونصوصهم في ذلك موجودة من الأئمة الأربعة وغيرهم وأمثالهم ونظائرهم وأمثالهم ونظائرهم مجموعة الرسائل النجدية. الشيخ Abdullah Latif, Ibn Abd al-Rahman, Ibn Hassan al-Sheikh, il dit que les hommes de science sont unanimes sur le fait d'obéir au gouverneur qui a pris le pouvoir par la force. Unanimes sur le fait de le suivre et de lui obéir dans l'obéissance à Allah. Et il voit que son jugement et son pouvoir, il est valide. Hein? Que sa gouvernera est valide. Deux personnes ne divergent pas là-dessus, c'est-à-dire parmi ceux qui sont doués de raison, qui suivent la voie de leur pieux prédécesseur dans l'anime. Et ils voient qu'il est interdit de se révéler contre lui ou de prendre l'arme contre lui, car ceci divise la communauté. Même si les gouverneurs sont pervers, tant qu'ils ne voient pas une mécréance claire. Hein? Et les textes des grands imams sont présents, sont là, que ce soit les grands imams des quatre écoles, hein, l'imam Malik, l'imam Ahmed, l'imam Shafi'i, l'imam Abu Hanifa et autres, et leurs similaires. Wa qala Sheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, وأما أهل العلم والدين والعقل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه كما عرف من عادات أهل السنة والدين قديما وحديثا ومن سيرة غيرهم. مجموع الفتاوى. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله dit: quant aux gens de la science, de la religion et de la raison, ne permet à personne ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Il ne permet à personne la désobéissance au gouverneur musulman. Ils ne permettent à personne de trahir les gouverneurs. Ils ne permettent à personne de se rebeller contre les gouverneurs. De n'importe qu'ils sortent ou qu'ils forment de rébellion. Parce que la rébellion peut se faire avec la langue. Hein? Peut se faire de plusieurs. Hein? Et ceci est connu chez les gens de la sunna et les gens de la religion. Depuis l'aube de l'islam, c'est les anciens chez les contemporains. Et ceci, il est connu aussi de le par leur biographie, la biographie de beaucoup d'hommes de science parmi nos pieux prédécesseurs d'Allah. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج السنة: وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير، كالذين خرجوا على يزيد في المدينة، وكابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك بالعراق، وكابن المهلب الذي خرج على ابنه بخراسان، وكبي مسلم صاحب الدعوة الذي خرج عليهم بخراسان أيضا، وكالذين خرجوا على المنصور بالمدينة والبصرة وأمثل هؤلاء. شيخ الإسلام دي رحمة الله عليه ها que tous ceux qui se sont rebellés contre un gouverneur de leur acte de rébellion a découlé beaucoup de préjudice pour la communauté. Il n'y a eu aucun bien par rapport au bien qu'ils ont eu. Le mal est énorme. Le mal qu'ils ont fait est beaucoup plus énorme que le bien qu'ils ont obtenu. Que ce soit ceux qui se sont rebellés contre Yazid ibn Muawiyah à Médine, ou que ce soit ibn al-Ash'at qui s'est rebellé contre Abd al-Malik ibn Marwan en Irak, ou que ce soit ibn Muhallab qui est sorti et qui s'est rebellé contre le fils de Abd al-Malik ibn Marwan à Khurasan, ou que ce soit Abi Muslim hein, qui s'est rebellé contre eux à Khurasan ou autres, et tous ceux et ceux qui sont, se sont rebellés contre le Mansour à Médine et Al-Basra et leurs similaires, tous ceux-là, ils ont ramené des grandes catastrophes à la communauté. Ils n'ont ramené aucun bien. Le bien qu'ils ont eu, il est peu, il est minime, il est noyé dans les préjudices qu'ils ont accomplis. وقال رحمه الله: وغاية هؤلاء إما أن يغلبوا وإما أن يغلبوا ثم يزول ملكهم فلا يكون لهم العاقبة. فإن عبد الله بن علي وأبا مسلم هما اللذان قتلا خلقا كثيرا، وكلاهما قتله أبو جعفر المنصور، وأما أهل الحرة وابن الأشعث وابن المهلب وغيرهم فهزموا وهزم أصحابهم، فلا قاموا دينا ولا أبقوا دنيا، وإن كان فاعل ذلك من أولياء الله المتقين. Il dit, la fin de ceux-là, c'est quoi? La fin de ceux qui se révèlent. Soit ils sont vainqueurs, soit ils sont vaincus. Et après, leur pouvoir va disparaître. Ils n'auront pas le pouvoir. Il va disparaître. Il dit, Abdullah ibn Ali, ainsi qu'Abu Muslim, qui ont tué beaucoup de personnes en se rebellant, hein, ben ils ont été tués par le khalifa Abu Ja'far al-Mansour. Quant à ceux de l'Harra à Médine qui se sont rebellés, et Ibn al-Ash'at, Ibn al-Muhallab, ils ont été vaincus, et leur armée a été vaincue, ainsi que leurs amis. Ni ils ont accompli la religion, ni ils ont laissé hein, les biens de ce bas monde. Ils ont fait beaucoup de dégâts, que ce soit dans la religion, les gens ne pouvaient pas la pratiquer tranquillement et aller tranquillement accomplir leurs prières et ainsi de suite. Et en même temps, il y a eu l'insécurité, il y a eu le bain de sang, et il y a eu. Hein? Il dit, même si celui qui accomplit la rébellion fait partie des alliés, des gens qui préservent les droits d'Allah, ben c'est pas un bon acte. C'est pas acceptable, abadan. وقال رحمه الله: ولهذا لما أراد الحسين بن علي رضي الله عنه أن يخرج إلى أهل العراق، لما كاتبوه كتبا كثيرة أشار عليه أفاضل الناس أهل العلم والدين كعبد الله بن عمر وابن عباس وابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ألا يخرج، وغلب على ظنهم أنه يقتل، حتى إن بعضهم قال أستودعك الله من قتيل. Et le témoignage de dire, rahimahullah ta'ala, quand Hussein ibn Ali a voulu partir chez les gens de l'Irak, les gens de l'Irak lui ont envoyé beaucoup de lettres, viens, on va te soutenir, il faut que tu prennes le pouvoir, et ainsi de suite. Beaucoup d'hommes de bien, beaucoup d'hommes de science, et beaucoup d'hommes qui étaient bien dans leur religion, lui ont conseillé de ne pas partir. Parmi ces hommes-là, Abdullah ibn Omar, n'y va pas. Abdullah ibn Abbas, Abu Bakr ibn Abd al-Rahman, ibn al-Harith, ibn Hisham, tous ils lui ont conseillé de ne pas y aller. Et tous ils étaient convaincus comme quoi il allait être tué. Rahimahullah ta'ala wa radiyallahu anhu. À tel point que certains parmi eux lui ont dit, je te confie à Allah, pauvre tué. Astaudi'uka Allah min qatil. Il a été assassiné. Il est arrivé là-bas, ils l'ont lâché, ceux qui l'ont appelé, l'ont trahi, l'ont lâché, et ils l'ont laissé dans le terrain tout seul, et il s'est fait tuer. Radiyallahu anhu wa arda. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه فتبين أن الأمر على ما قاله أولئك ولم يكن في الخروج لا مصلحة دين ولا مصلحة دنيا بل تمكن أولئك الظلمة الطغاة من سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتلوه مظلوما شهيدا وكان في خروجه وقتله من الفساد ما لم يكن يحصل لو قعد في بلده فإنما قصده من تحصيل الخير ودفع الشر لم يحصل منه شيء بل زاد الشر بخروجه وقتله ونقص الخير بذلك وصار ذلك سببا لشر عظيم. Et donc, Cheikh l'Islam, il dit, il apparaît clairement maintenant que ce qu'on dit, c'est-à-dire les hommes pieux, les hommes de la science comme Abdullah ibn Omar et les autres, ce qu'ils ont dit à Hussein, que ça c'était le point juste. Et que cela fait apparaître comme quoi il n'y a aucun bien dans le fait de se révéler. Aucun bien, ni pour la religion, ni pour le bas monde. Ni pour la religion, ni pour le monde. Ce qui est arrivé, c'est que ceux qui ont dépassé leurs limites, ces injustes, ont tué le petit-fils du prophète alayhi salatu wassalam. Il a été tué injustement. Il est mort en martyr, radiyallahu anhu wa arda. Et dans le fait qu'il est allé vers l'Irak, qu'il est sorti de son pays, il y avait un grand mal. Et dans le fait de l'avoir tué, il y avait un grand mal aussi. Alors que si il était resté chez lui, dans son pays, tout ce mal ne serait pas arrivé. Car ce qu'il voulait obtenir combien, et il ne l'a pas eu. Il n'a pas poussé non plus le mal. Tout ceci, il n'a rien obtenu. Ni le fait de pousser le mal, ni le fait d'obtenir le bien. Mais le mal a augmenté, les préjudices ont augmenté par le fait qu'il est parti vers eux en Irak. Il a été tué et le bien a diminué et le mal a augmenté. Et ça a été une grande cause et un grand facteur d'un grand mal. La mort et la sortie et la mort de Hussein, rahimahullah ta'ala wa radiyallahu anhu wa arda. Wa kana qatlu al-Hussein mimma awjaba al-fitan. كما كان قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه مما أوجب الفتن وهذا كله مما يبين أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر على جور الأئمة وترك قتالهم والخروج عليهم هو أصلح الأمور العباد في المعاش والمعاد وأن من خالف ذلك متعمدا أو مخطئا لم يحصل بفعله صلاح بل فساد. إيه L'assassinat de Hussein radiyallahu anhu a ouvert la porte d'une grande sédition et d'un grand mal et la grande porte des troubles. Comme l'assassinat de Uthman ibn Affan avait ouvert auparavant la porte du mal et des séditions. Et tout ceci nous donne la clarté que sur le fait, sur les ordres qu'a donné le prophète alayhi salam, qu'on croit, il faut patienter et endurer face à l'injustice des gouverneurs, et qu'il ne faut pas les combattre, qu'il ne faut pas se rebeller contre eux. Et c'est ça le mieux pour les serviteurs, pour les gens, dans leur vie et dans leur au-delà. Hein? Et celui qui est en divergence avec ses ordres du messager alayhi salam, volontairement ou par erreur, de son acte, il va décoller que le mal. De son acte, ne va décoller que les préjudices. يقول رحمه الله ولهذا أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الحسن بقوله إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين ولم يثني عليه الصلاة والسلام على أحد لا بقتال في فتنة ولا بخروج على الأئمة ونزع يدا من طاعة ولا مفارقة للجماعة انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. C'est pour ça que le prophète عليه الصلاة والسلام a dit du Hassan, le frère Al-Hussein, il dit mon fils celui-là c'est un noble, c'est un noble, il va faire un grand bien, il va réconcilier entre de grandes parties musulmanes. Et les choses sont arrivées comme il a dit avant sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il a laissé le pouvoir pour Muawiya. Et cette année a été appelée l'année de la réconciliation. L'année de l'jama'a. L'année du groupe et de l'union. Hein? Les choses sont arrivées comme il a dit Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et tu vois, comme dit Cheikh l'Islam, le Taymiyyah rahmatullah alayhi, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam n'a pas élogé quelqu'un qui va vers le combat et qui va dans les séditions. Il n'a pas élogé quelqu'un qui va vers le fait de se rebeller contre les gouverneurs et qui sort de l'obéissance des gouverneurs et qui sort de l'unité et de la communauté. Abadan. Mais par contre, regarde l'éloge qu'il a fait à Al-Hassan parce qu'il a été la cause de l'union. Ici s'arrêtent les paroles de Cheikh l'Islam de Taymiyyah. هنا كلام طيب للطرطوشي من علماء المالكية توفي رحمه الله سنة 544 في سراج الملوك يقول رحمه الله ومثال السلطان القاهر لرعيته ورعية بلا سلطان مثال بيت فيه سراج مرير منير وحوله قيام من الناس يعالجون صنائعهم فبينما هم كذلك اطفئ السراج فقبطوا أيديهم في الوقت وتعطل جميع ما كان فيه ما كانوا فيه فتحرك الحيوان وتخشخش الهوام الخسيس فدبت العقرب من مكمنها وفسقت الفأرة من حجرها وخرجت الحية من معدنها وجاء اللص بحيلته وهاج البرغوث مع حقارته فتعطلت المنافع واستطالت فيها المضار. Et écoute ce que dit Tartouche, rahimahullah, parmi les grandes, les hommes de science de à l'école malikite. Il est mort en 544 de l'Hégire. Dans son livre, Siraj al-Mulouk, le cierge des rois, il dit l'exemple du sultan ou du gouverneur qui a pris le pouvoir par force. Et l'exemple d'une communauté qui vit son gouverneur. C'est comme une maison dans laquelle il y avait un cierge qui était allumé. Il y avait de la lumière. Les gens étaient là. C'est un exemple qu'il donne. Les gens étaient là, ils sont en train, chacun s'occupe et travaille ce qu'il était en train de faire. Et tout d'un coup, la lumière, le cierge s'est éteint. Ils ont retenu leurs mains. Ils ne peuvent plus travailler. Ils ne peuvent plus s'occuper à ce qu'ils sont en train de faire. Et tout s'est arrêté. Tout ce qu'ils faisaient s'est arrêté. À ce moment-là, qu'est-ce qui sort dans les ténèbres de la nuit? Les animaux sortent dans la nuit. Les animaux qui font le mal. Le scorpion quitte son endroit. Et quand il quitte son endroit, quand il tombe sur quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Les souris et les rats sortent de leur trou aussi. La vipère quitte son trou. Le voleur arrive avec ses ruses. Les puces s'excitent. ils puissent, malgré qu'ils sont misérables, s'excitent à ce moment-là, qu'ils sont petites, ils s'excitent sur les gens, parce que c'est les ténèbres. Et les bienfaits s'arrêtent, et le mal prend le dessus. Hein? Imagine une société dans laquelle il n'y a pas de gouvernance. C'est l'exemple qu'il te donne. يقول رحمه الله كذلك السلطان إذا كان قاهرا لرعيته وكانت المنفعة به عامة وكانت الدماء في أهبها محقونة والحرم في خذورهن مصونة والأسواق عامرة والأموال محروسة والحيوان الفاضل ظاهر والمرافق والمرافق حاصلة والحيوان الشرير من أهل الفسوق والدعارة خامل Et il dit رحمه الله Il en est de même. Il en est ainsi du gouverneur qui est injuste avec ses populations qu'il gouverne. Mais il y a un bien, malgré qu'il est injuste, il en découle un bien. Parce que les vies sont protégées. Le sang ne coule pas. Les vies sont protégées. Les femmes ne sont pas violées, ainsi que les filles. Les marchés, il y a de la marchandise dans les marchés. Les fortunes sont protégées. De tout un chacun sont protégées. Et les bons animaux sont en apparence. C'est pas les mauvais qui sont en apparence. C'est les bons. Hein? Et donc, et tout marche. Et les mauvais, hein, parmi les gens de la perversité, de l'adultère, hein, les voleurs et ainsi de suite, sont en cachette. Hein? C'est mieux que d'être dans l'anarchie. يقول رحمه الله فإذا اختل أمر السلطان دخل الفساد على الجميع. Ici maintenant, hein, le pouvoir du sultan n'existe pas, le mal va toucher tout le monde. Les préjudices vont balayer tout le monde. Ni les fortunes vont être protégées, ni le commerce ne sera fait, les marchés seront dépourvus de marchandises, les femmes seront violées, ainsi de suite. Qui va être dehors? Les brigands, les voleurs et les assassins. يقول رحمه الله ولو جعل ظلم السلطان حولا في كفة كان هرج الناس ساعة أرجح وأعظم من ظلم السلطان حولا وكيف لا وفي زوال السلطان أو ضعف شوكته سوق أهل الشر ومكسب الأجناد ونفاق أهل العيارة والسوقة واللصوص والمناهب إلى دي رحمه الله Si maintenant on prend l'injustice d'une année d'un gouverneur, on la met dans une balance, dans un plateau de la balance. Et on prend une heure tout simplement d'anarchie dans la population, le mal qui va découler d'une heure d'anarchie et de rébellion est beaucoup plus grave que ce qu'ils auront subi pendant une année d'injustice. Et ça ne peut pas être autrement. Parce que dans le fait d'enlever le gouverneur, ou dans le fait de faiblir son pouvoir, ceci ouvre la porte aux gens du mal, hein, aux voleurs, hein, il y a tous ceux qui veulent piller, qui veulent saccager, qui veulent violer. قال الفضيل بن عياض رحمه الله وتوفي سنة 187 للهجرة جور 60 سنة خير من هرج ساعة ولا يتمنى زوال السلطان إلا جاهل مغرور أو فاسق يتمنى كل محظور انتهى كلام الطرطوشي من سراج الملوك الفضيل بن عياض رحمه الله qui est mort en 187 de l'Hégire. Il dit 60 ans d'injustice sous le pouvoir d'un gouverneur injuste sont mieux qu'une heure d'anarchie sans gouverneur, une heure de rébellion. et n'espère et ne veut l'enlèvement du gouverneur qu'un ignorant ou quelqu'un qui est imbu de lui-même ou un pervers qui veut que la porte soit ouverte à tout mal. Ici s'arrêtent les paroles de Dr. Tonché, rahimahullah. Et qu'on sache, frère en Allah, subhanahu wa ta'ala, que partant de là, on comprend pourquoi les gens de la Sunna et ceux qui sont unanimes sur la Sunna et les salafis et les adeptes de la voie salafie sont sur le fait de l'interdiction, le fait de se rebeller contre les gouverneurs musulmans. Ils avertissent contre le fait de se rebeller contre eux. Et tout ceci, c'est pas parce qu'ils caressent le gouverneur dans le sens du poil, abadan. Tout ceci par conviction religieuse. Parce qu'ils sont en train de suivre leur messager, alayhi salatu wassalam. De mettre en application les ordres du messager, alayhi salatu wassalam. Car Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a averti dans maintes hadith contre le fait de se rebeller contre le gouverneur. Et parce que, les gens de la salafia mettent en application ces règles de la législation et les fondements de ces législations. Ces règles et ces fondements qui impliquent qu'il faut analyser les situations, le bien et le mal. Le bien de la situation et les préjudices qui peuvent en découler. Avant d'aller faire quoi que ce soit, il faut analyser la situation avant. Et ce qui est connu de par les preuves de la législation et par l'histoire de cette communauté que ne découlent des rébellions contre les gouverneurs musulmans que de grands préjudices. Des préjudices qui font faiblir la communauté. Des préjudices qui sont beaucoup plus énormes que l'injustice qu'on subit de la part d'un gouverneur musulman. Il n'y a aucun bien qui va en découler. Il n'y a que de grands préjudices qui en découlent. C'est pour ça que les gens de la Sunna et ceux qui sont unanimes sur la Sunna ont émis des conditions pour pouvoir mettre un gouverneur au placard. Parmi les conditions, c'est qu'ils soient capables. Et ces conditions, ce n'est pas la masse comme nous qui va les décréter ou qui va les mettre en application. Abadan. Ce sont les hommes de science et les spécialistes, c'est eux qui voient entre eux. Est-ce qu'ils ont les capacités de le mettre au placard sans faire couler le sang, sans créer de grands préjudices? Ou là, ils ne sont pas capables. S'ils sont capables, ils vont le faire. C'est à eux de décréter. S'ils ne sont pas capables, ils s'abstiennent. Parce que le fait de vouloir se rebeller contre lui, de lui prendre son pouvoir, et si on n'est pas capable, ça va entraîner la communauté vers un grand mal. Il porte un grand mal. Il n'y a qu'à voir. Regardez. Certains pays comme la Syrie, le mal s'est ouvert, et sauf Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme ça, cette porte du mal va se fermer. وفي بيان هذا الأمر يقول العلامة المجاهد ربيع المدخلي حفظه الله ورعاه وجعل الجنة مثواه الخروج على الأئمة فيه مفاسد عظيمة جدا ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على ما سيحدث للأمة من انحراف في الحكام وفي غيرهم تحدث عن الفرق أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة تحدث عن الحكام أطلعه الله سبحانه وتعالى وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام. Et pour nous éclairer sur ce point, l'érudit, le combattant Cheikh Rabih, حفظه الله تعالى, parce que l'un des plus grands combats et le fait de défendre la religion d'Allah de par sa plume et de par sa langue. Car le combat avec une armée, ceci tout un chacun peut le faire. Mais le combat avec la plume et la langue, il n'y a qu'une certaine élite qui le font. que Allah subhanahu wa ta'ala lui le comble de sa sainte miséricorde et qu'il allonge sa vie dans son obéissance, il a dit le fait de se rebeller contre le gouverneur, il n'y a que des préjudices qui vont en découler, de grands préjudices. Il dit c'est pour ça que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait connaître ce qui va arriver de la part de certains gouverneurs de cette communauté, qu'ils vont être injustes et autres qu'ils vont être injustes. Et il lui a fait connaître aussi que cette communauté va se diviser en 73 sectes. Il a montré que les 73 seront en enfer sauf une qui sera sauvée du feu de l'enfer. Ah, et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a annoncé à la communauté ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait connaître de la situation à venir du gouverneur. Et ça, c'est l'un des miracles du messager alayhi sallallahu alayhi wa sallam. أطلعه الله على ما سيكون في هذه الأمة من بدع وسياسات منحرفة وما شاكل ذلك، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يراعي المصلحة الكبرى ويدفع الفتنة الكبرى عن المسلمين وعن دمائهم وعن أعراضهم وعن أموالهم. الله سبحانه وتعالى دي الشيخ ربيع أفي كونتخ ومصرج عليه الصلاة والسلام l'apparition des bidats et des innovations dans la communauté. Et qu'il va y avoir dans la communauté des politiques qui sont des politiques déviantes. Et autre chose que Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait connaître. Mais le messager alayhi sallatu wassalam prend en considération les grands intérêts des musulmans et de la communauté. Et il repousse les préjudices et les séditions alayhi sallatu wassalam. Hein? Il prend, il met en avant l'intérêt de la communauté, le fait de préserver le sang, de préserver les vies humaines, les honneurs des familles, leur fortune et ainsi de suite. Et il repousse de la communauté, il les a orientés d'une façon de repousser les préjudices. يقول الشيخ ربيع الله أمر بتغيير المنكر قال عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ومع ذلك يقول حفظه الله انظر إلى الفهم وإلى الفقه في دين الله، ومع ذلك فالحاكم له شأن آخر، لأن تغيير منكره يترتب عليه مفسدة أكبر وأكبر وأكبر من المفسدة التي هو واقع فيها والتي تريد أن تستريح منها أو أن تزيلها، تقع في مفسدة أكبر وأكبر من الفوضى وسفك الدماء وانتهاك الأعراض وسلب الأموال وما شاكل ذلك. يقول ce passage et regarde la compréhension que Allah subhanahu wa ta'ala a donnée aux hommes de science. Il dit, rahimahullah wa hafidah, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné le fait de changer le mal. Il a cité les versets, dont la traduction approximative nous dit ceci. Vous êtes la meilleure des communautés que Allah subhanahu wa ta'ala a fait exister. Vous ordonnez le bien et vous blâmez le mal et vous croyez en Allah. Dans l'autre verset, dans la traduction approximative, du sens du verset, il faut qu'il existe parmi vous une communauté qui appelle vers le bien, qui ordonne le bien et qui blâme le mal. Ceux-là, ce sont ceux qui ont réussi. C'est l'ordre d'Allah de changer le mal. Regarde maintenant ce que dit Cheikh Rabbi. Et avec cet ordre, la situation du gouverneur est différente. C'est autre chose. Car le fait de vouloir changer le mal du gouverneur, il en découle un grand préjudice beaucoup plus grave que le mal de ce gouverneur. Le mal dans lequel il est, ou l'injustice qu'il fait subir, le fait de vouloir changer son mal va entraîner la communauté à tomber dans un préjudice beaucoup plus grave. ce préjudice, ce gouverneur duquel tu veux te reposer, tu veux l'enlever pour t'en reposer. Bah, le fait de vouloir se révéler contre lui, tu vas tomber dans un préjudice qui est beaucoup plus grave que s'il reste au pouvoir. Hein? Faire couler le sang des innocents, les viols qu'il va y avoir, le saccage des biens publics et des biens privés, les viols, hein, les vols, et ainsi de suite. يقول الشيخ ربيع أمر بالصبر صلى الله عليه وسلم قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان الكفر البواح لا يحتمل التأويل ولا يقبل تأويلا واضح كالشمس فحينئذ للمسلمين أن يخرجوا على هذا الحاكم الذي وقع في الكفر الواضح بشرط أن لا يكون في خروجهم مفسدة أكبر من بقاء هذا الحاكم الكافر. Il dit, رحمه الله, le message d'Allah a ordonné la patience devant l'injustice et le mal des gouverneurs. Ubad ibn Samit radiyallahu anhu, nous avons, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, a pris sur nous l'allégeance du fait d'écouter et d'obéir. Écouter à qui? Ceux qui gouvernent. De leur obéir dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'on soit dans l'aisance, ou qu'on soit dans des situations serrées. Que ça soit dans des situations qu'on aime, ou dans des situations que on est gêné, hein, ça nous gêne. Et même, on reste dans leur obéissance, on les écoute et on leur obéit, même s'ils prennent les bienfaits pour eux. Et on n'a pas à prendre les armes contre eux, ni à les concurrencer sur leur poste. Et il a dit, alayhi salatu wassalam, jusqu'à ce que vous voyez une mécréance claire de laquelle vous avez une preuve d'Allah. Cheikh Rabbi, il dit, la mécréance claire, dans laquelle il n'y a pas la place à une interprétation. C'est-à-dire, il faut qu'il soit clair, comme le soleil en plein zénith. Dans ces cas-là, les musulmans peuvent se rebeller contre lui et le mettre de côté, s'il est tombé dans une mécréance claire. À condition que, dans le fait de se rebeller contre lui ou de vouloir le mettre de côté, n'implique pas de grands préjudices. Des préjudices qui dépasse la situation du fait qu'il reste au pouvoir en tant que mécréant. Hein? Donc, et ceci, qui voit la mécréance claire, on revient toujours, les hommes de science, et qui sait analyser le pour et le contre, et analyser, et qui va mettre en avant l'intérêt et repousser les préjudices. Sinon, les hommes de science. Hein? Nous, en tant que gens de la masse, on reste à notre place. Parce que tout ce que nous disons et tout ce que nous allons faire, on va juste augmenter l'anarchie. Hein? Et on laisse les décisions à ceux qui ont la clairvoyance, ceux qui ont la science, ceux qui savent utiliser les textes et analyser les situations à la lumière du livre et de la sunna selon la voie et la compréhension du peuple du sort d'Allah alayhi. يقول حفظه الله لأنه قد يخرج بعض الناس والضعفاء فيفتك بهم فيضيع الدين والدنيا فتكون مفسدة أكبر فلا نخرج إلا إذا اطمأننا إذا كان كافرا اطمأننا على أن المصلحة في الخروج وأننا سنسقطه بسهولة دون سفك دماء ودون انتهاك أعراض ودون مفاسد. Il dit, car certaines personnes vont sortir, vont se rebeller parmi les faibles. Et ils vont être massacrés. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui va arriver? Les gens ne vont plus avoir la sécurité pour aller accomplir leur religion, aller prier leurs prières nocturnes, leurs prières communes dans les mosquées, etc. Ils vont plus avoir la sécurité pour leur mandat. pour leur commerce. Et il va en découler un grand préjudice. Donc, on ne se rebelle pas tant qu'on n'a pas la certitude qu'il est dans une mécréance claire et tant qu'on n'a pas la certitude qu'il va découler que le bien du fait de le mettre de côté et de prendre les armes contre lui. Et qu'on ne va pas tomber dans un préjudice beaucoup plus grave qui est le fait de faire couler le sang des innocents et le viol des femmes et autres parmi les grands préjudices qui vont en découler. Et encore une fois, je le répète, hein, cette situation n'est que aux hommes de science et aux spécialistes. Ils n'appartiennent pas à la masse. Ils n'appartiennent pas à la masse. Abadan. وقال حفظه الله تأمل أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية أقوالا سديدة قائمة على النصوص النبوية وعلى مراعاة المصالح والمفاسد وعلى معرفة تأريخ الثورات ونتائجها المدمرة والعاقل من يعتبر il dit tu viens méditer les écrits, les paroles de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahmatullah alayh sont des paroles et des écrits qui sont basés sur les textes prophétiques. Ces textes qui orientent vers le fait de prendre en considération les bienfaits et les préjudices à mettre de côté. Ces textes qui sont basés, ces orientations et ces opinions qui sont basées sur le fait de connaître l'histoire des révolutions et le résultat destructeur de ces révolutions. Il dit, celui qui est doué de raison, prend la leçon. يقول رحمه الله فعلى من ينشد الحق أن يستفيد من المنهج الإسلامي في مواجهة الفتن وأن يحذر المسلمين من مخالفة هذا المنهج وأن يحذر لهم أن يجرهم الشيطان إلى الفتن وسفك الدماء. Il dit, رحمه الله. Il est du devoir de tout un chacun qui veut la vérité et qui cherche la vérité, de profiter et de prendre la leçon de la voie islamique. De la voie islamique dans le fait de faire face aux séditions, aux troubles et au mal. Et qu'il avertisse les musulmans contre le fait d'être en divergence avec cette voie qui avertit contre le mal et contre les séditions et les troubles. Et qu'il avertisse les musulmans contre le fait que Shaitan ne les attire pas vers les troubles, vers le fait de faire couler le sang des innocents. قال ابن القيم رحمه الله تعالى إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر وقد استأذن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها وقالوا أفلا نقاتلهم فقال لا ما أقاموا الصلاة وقال من رأى من أميره ما يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة. Mais dites maintenant ce que dit Ibn al-Qayyim, qui est l'élève d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Il dit, Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, a légiféré à la communauté l'obligation, l'obligation de blâmer le mal, pour qu'il le remplace par le bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et que son messager aime. Mais s'il y a, dans le fait de blâmer le mal, ça va impliquer un mal beaucoup plus grave que le mal qu'on va blâmer, il va en découler un mal beaucoup plus grave, beaucoup plus grand que déteste Allah, que déteste Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas permis de le blâmer. Même si Allah subhanahu wa ta'ala le déteste, même si Allah subhanahu wa ta'ala prend en abomination les gens de ce mal. Et j'ouvre une parenthèse, Cheikh l'Islam, le Taymiyyah rahmatullah alayh, pendant la bataille des Tatars, un jour il passait à côté d'un camp des Tatars, ils étaient en train de se saouler. Quand il lui a dit, ah Cheikh, ils sont en train de se saouler, viens, laisse-les. Laisse-les. Hein? C'est un mal ou pas? Laisse-les. Pourquoi il lui a dit laisser? Il a dit laisse-les. Dans le mal dans lequel ils sont, c'est un mal qui restreint à eux. Parce que s'ils se dissoulent, ils vont aller tuer les musulmans. Regarde comment ils savaient et comment les hommes de science analysent les situations. Et comment ils étudient les situations pour faire prévaloir ce qu'il faut faire prévaloir, qui va amener la sécurité à la communauté, hein, et qui va permettre de préserver le sang de la communauté. Et on sait le mal qu'ont fait les Tatars chez les musulmans, hein. Alors des fois, le Tatar il arrive, il a pas d'épée. Il dit aux musulmans reste là. Il va chercher une épée et l'autre il bouge pas, tellement il était terrorisé. Et il vient lui couper la tête, hein. Et malgré ça, regarde, cher l'Islam, ce qu'il a dit. Et ça, c'est pas une situation de froussard, abadin. C'est une situation de clairvoyance, de quelqu'un qui a la clairvoyance du livre et de la sunna. Et Ibn al-Qayyim, il dit, comme le fait, hein, de blâmer le mal des rois, ou de les blâmer par leur mal, soit par la rébellion ou par n'importe quel moyen. Ils disent ceci, il est la cause d'un grand mal, il est la cause d'une grande sédition et d'un grand trouble jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire agir ainsi, tant qu'on agit ainsi, on va vers les troubles. Hein? Et les compagnons, il dit Rahimahullah, les compagnons ont demandé l'autorisation au messager alayhi salatu wasalam de combattre les gouverneurs qui retardaient la prière de son heure. Ils lui ont dit, je ne comprends pas les armes contre eux. Il a dit, allez, salat, tu sais, tant qu'ils accomplissent la prière. Non, tant qu'ils accomplissent la prière. Et il leur a dit, celui qui voit que son gouverneur accomplit un mal, alaykoum salam wa rahmatullah, qu'il déteste ce qu'il est en train d'accomplir, et qu'il patiente, et qu'il ne désobéisse pas à son gouverneur. Hein? Il lui a ordonné quoi? La patience. Et de ne pas désobéir, c'est-à-dire de rester dans l'obéissance au gouverneur, dans l'obéissance à Allah, Azza wa Jal. Yaqulu Sheikh al-Islam, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, wa man ta'ammala ma jara ala al-Islam, fil fitan al-kibar wa al-sighar, ra'aha min idha'ati hadha al-asli, wa adami al-sabr ala munkarin, fatalaba izalatahu, fatawallada minhuma huwa akbaru minh. Et Cheikh l'Islam, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit, médite ce qui est arrivé. Hein? Durant l'histoire de l'Islam, comme grande sédition, comme grand trouble, ou petit trouble, ou grand préjudice, ou petit préjudice. Hein? Et tout ceci est arrivé parce qu'on a négligé, parce que ce fondement a été négligé. Le fait de ne pas patienter, endurer devant le mal, il a été négligé. Hein? Les gens ne l'ont pas appliqué, il y a eu des grands troubles, des grandes séditions, etc. Et ils ont essayé d'enlever ce mal et de leur agissement a découlé un mal beaucoup plus grand et beaucoup plus grave. يقول رحمه الله فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم، ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديث عهد بكفر، ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه كما وجد سواء. إيه شيخ الإسلام ابن القيم الدي le messager عليه الصلاة والسلام quand il est à la Mecque avant la Hijra, il voyait beaucoup de choses blâmables, beaucoup de mauvaises choses. Il ne pouvait pas les changer. Et quand il a fait la conquête de la Mecque, et que la Mecque est devenue une terre d'islam, il a voulu changer la construction de la Kaaba. Il a remettre sur les fondations d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Tu vois le petit cercle, le demi-cercle là qui fait le tour, il fait partie de la Kaaba. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam veut le rentrer et remettre la porte en bas parce que Quraysh la met très haute. Hein? Et il a voulu le faire. Il en avait les capacités, le pouvoir, puisque la Mecque est devenue une terre d'islam et il est sous l'autorité du messager alayhi salatu wassalam. Mais il ne l'a pas fait alayhi salatu wassalam, par peur qu'il n'en découle quelque chose de beaucoup plus grave. Quraysh ne peuvent pas le supporter parce qu'ils étaient nouveaux dans l'islam, parce qu'ils venaient de sortir de leur mécréance. Hein? Regarde ce qu'a laissé le prophète alayhi salatu wassalam. Donc il a mis en avant l'intérêt. Il a fait reculer le préjudice et le mal. C'est pour ça, dit Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi, que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a interdit le fait de s'attaquer au gouverneur. Parce qu'il en découle un grand mal et de grands préjudices. Plus que s'il restait au pouvoir en étant injuste ou autre. Et il faut qu'on comprenne notre religion et la voie de nos pieux prédécesseurs d'Allah alayhi, comme l'ont compris ces grands pieux. Radiallahu anhum wa rahimahumullah. Qala Sheikh Rabi' كلام الإمام ابن القيم مستمد من منهاج النبوة القائم على الحكمة والنظر في العواقب والنتائج التي تترتب على التصرفات الأوجاع والعواطف العمياء التي لا تنضبط بالتوجيهات النبوية الحكيمة التي لا يراعى فيها مصالح الأمة في دينها ودنياها وما يدرأ عنها المفاسد الكبيرة والفتن العظيمة في دينها ودنياها. شيخ ربيع حفظه الله تعالى يلدي les paroles d'Ibn al-Qayyim. L'origine des paroles d'Ibn al-Qayyim, ce sont la voix prophétique, la voix du messager عليه الصلاة والسلام. Cette voix qui s'est accomplie sur la sagesse et sur le fait de mettre les choses à leur place, sur le fait d'analyser la fin des situations, où est-ce qu'on va arriver, hein, et d'analyser la situation de ce qui va découler des actes qui non réfléchis et qui se font, et des actes qui sont le fruit, hein, des sentiments aveugles et de l'excitation aveugle, ces sentiments qui ne sont pas réglés par les orientations prophétiques et par le fait de mettre les choses à leur place et par le fait, hein, d'observer à mettre la communauté et à prodiguer à la communauté l'intérêt de repousser le mal dans son mandat et dans sa religion. Hein? Donc, il est des situations étonnantes à l'islam. Le fait que les gens de l'innovation et ceux qui se constituent en partie accusent et calomnient les gens de la sunna et de ceux qui sont unanimes sur la sunna et les salafis, il les calomnie comme quoi? Que ce sont des agents du gouvernement. Le fait de parler ainsi et d'orienter la communauté vers ses fondements, hein, ils se font traiter, accuser de agents, hein, du gouvernement. Le fait que les gens de la sunna se cramponnent aux ordres d'Allah et de son messager alayhi salatu salam, qui est le fait d'obéir et d'écouter les gouverneurs et de leur obéir dans l'obéissance à Allah, et le fait de ne pas se rebeller contre eux, parce que ceci amène des grands préjudices pour la communauté, le fait de se cramponner à cette voie légiférée, pour les gens de l'innovation, les gens qui sont ainsi, ce sont des gens qui caressent les gouverneurs dans le sens de plan, ce sont des espions, ce sont des agents gouvernementaux, et ainsi de suite. Peu importe, c'est la religion d'Allah, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse? وقد بين العلامة ربيع المدخلي زيف هذه الدعوة بطلانها وأنها لا تصدر إلا ممن تلوث بأفكار الخوارج والمعتزلة الضلال فقال أهل الحديث المخلصين الصادقين في أقوالهم وأفعالهم وحركاتهم وسكناتهم وعقائدهم ومناهجهم ملتزمون بكتاب الله ومن ذلك التعامل مع الحكام. Et Cheikh Rabbi nous a donné de grands éclaircissements là-dessus. Il nous a montré le faux de cette prétention. Et comme quoi ce qu'ils disent ces hizbis, ces innovateurs, c'est faux. Ce sont des calomnies qui ne sont fondées sur rien que ceux des faux. Et que ce genre de calomnie et d'accusation n'émane que de quelqu'un dont l'esprit a été pollué, et pollué plutôt par les pensées d'Al Khawarij et les pensées de Mu'tazila et les pensées de Rafida. Et il a dit, Hafidahullah, les gens du hadith, les gens sincères du hadith et les gens véridiques, dans leurs paroles, dans leurs actes, dans leurs mouvements, dans leur inertie, dans leurs croyances, dans leur voix, se cramponnent au livre d'Allah. À tous les niveaux. Et ils se cramponnent aussi au niveau, au livre d'Allah et la sunna du prophète, en ce qui concerne leur comportement vis-à-vis du gouverneur. Hein? يقول إذا تعاملنا مع الحكام انطلاقا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا علماء جواسيس وهم خوارج الآن أصبحوا جسورا مدوا الجسور مع الحكام ويمدحونهم بالكذب ويغرونهم بالكذب لا يمدحونهم بالصدق ولا يأمرونهم بالمعروف ولا ينهونهم عن المنكر بل إذا رأوا الحاكم فيه خطأ توسعوا في هذا الباب ويجرونه إلى البلايا والمشاكل والعياذ بالله. Il dit حفظه الله تعالى quand on se comporte avec les gouverneurs comme nous le dicte le livre d'Allah et la sunna du messager alayhi salatu wasalam, ils disent des agents du gouvernement, des espions, alors que eux ce sont des khawarij, ce sont des rébellions, hein? Il dit maintenant ils ont pris des ponts entre eux, ils ont créé une relation entre eux et le gouverneur, et ils élogent, ils font des compliments, hein, mensongères au gouverneur. Ils montent dans leur, dans les compliments qu'ils prodiguent au gouverneur. Ils ne sont pas véridiques dans les compliments qu'ils lui font. Ils ne lui ordonnent pas le bien. Ils ne lui interdisent pas le mal. Et quand ils voient que le gouverneur est dans une erreur, ils lui ouvrent encore plus la porte. Ils le tirent vers des catastrophes beaucoup plus graves que ça. Et vers des problèmes beaucoup plus graves qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. يقول أما نحن فلا نزال عملاء عندهم حتى لو ما سلكنا هذه المسالك فنعوذ بالله من هذا البلاء وهي طريقة الخوارج والمعتزلة والروافض. Il dit quant à nous, c'est-à-dire les gens de la sunna, nous sommes toujours pour eux des espions, des agents du gouvernement, hein? Même si on ne suit pas cette voie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve, hein, de ces épreuves. Il dit ça, c'est la voie du Khawarij, et la voie du Mu'tazila, et la voie des Rawafid. وقال عز الله ونصره هذا هو المنهج الصحيح حتى ولو ظهر الكفر البواح وفي خروجك ضرر بالمسلمين لا تخرج إذا كانت المفسدة أكبر من المصلحة ولو كان كفرا كافرا كفرا بواحا ما دام الخروج يضر بالمسلمين ويؤدي إلى سفك دمائهم وانتهاك أعراضهم فلا تتسبب في هذه المفاسد. Et il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala le fasse triompher et qu'il allonge sa vie dans son obéissance. Ça, c'est la voie authentique. Même si le gouverneur fait apparaître une mécréance claire et dont le fait de se révéler contre lui, et il y a un grand préjudice, le préjudice l'emporte sur l'intérêt et sur le bien. Il dit même s'il est dans ces cas-là, même s'il est dans une mécréance claire, et vu que la rébellion et le fait de prendre l'arme contre lui va faire du mal encore plus aux musulmans, tu ne sors pas contre lui. Parce qu'il va en découler un grand préjudice. Et nous avons vu que ceux qui décident, je le répète encore une fois, ceux qui décident le fait de se rébeller, ce n'est pas nous autres de la masse. Ce sont les hommes de science. Nous, on est derrière les hommes de science. On suit les hommes de science. Et on reste derrière eux si on veut la sécurité de notre communauté. Si on ne veut pas amener, traîner la communauté vers les séditions et vers les troubles et vers l'anarchie. يقول رحمه الله فأهل السنة والجماعة ملتزمون بهذا المنهج لا من منطلق عمالة وجاسوسية وكلام فارغ كما يصفهم أعداء السنة وأعداء هذا المنهج. Il dit, les gens de la Sunna et ceux qui sont unanimes sur la Sunna se cramponnent à cette voie. Il dit, et leur point de départ, c'est pas que ce sont des agents gouvernementaux ou des espions et toutes ces paroles futiles. Il dit, ils ne sont pas comme ça comme les décrivent, hein, les ennemis de la Sunna et les ennemis de la voie. La abadan. Leur point de départ, la mise en application du livre d'Allah et de la Sunna du Prophète, l'obéissance à Allah et l'obéissance au messager, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. À ce niveau-là, comme à tous les niveaux, face à Allah al-Azim, Rabbul Arsh al-Azim, nuzuqna wa iyyakum husna al-ittiba', wa nuzuqna wa iyyakum al-fiqh fi al-din, wa nas'alu subhanahu wa ta'ala, an yuwaffiqa wallata umur al-muslimin, lima yuhib wa yarda, wa an yarzuqahum bitanatan salihatan tu'inuhum ala iqamati al-din. Sallu subhanahu wa ta'ala, najma'na wa iyyakum ala al-haq, wa bil-haq, إنه ولي ذلك والقادر عليه. سلوه سبحانه وتعالى لنا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه ولنا وإياكم الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله لكم جزاكم الله خيرا.